le méga plein air show avec Yves Laroche sur CGIT FM. On poursuit donc notre émission spéciale en direct de l'Académie de pêche du lac Saint-Pierre. Et puis là, on est en compagnie de Philippe. Et puis lui, Philippe, c'est sa première année de participation à l'Académie de pêche. Salut Philippe, comment ça va? Bien. Ouais. Comment tu trouves ça, l'Académie de pêche, là, depuis que tu es arrivé, là, depuis dimanche? Ben, je trouve ça vraiment le fun. On part souvent, très souvent à la pêche, puis moi, je trouve ça très le fun. Ah ouais? Écoute, quel âge que t'as? 13 ans. Puis tu viens de où? Ancienne Norette. Ah oui, dans la région de Québec, ça? Oui. Bon, est-ce que ton père ou ta mère ou tes parents, c'est des pêcheurs? Ben mes parents, ils sont pas vraiment des pêcheurs, mais mon père, il va souvent avec moi. Ah ouais? Donc, lui, t'avais déjà initié à la pêche avant de venir ici? Ouais. Comment t'as connu l'Académie de pêche du lac Saint-Pierre? Ben, c'était à l'école avec mon ami Félix, qui est ici. Puis, il m'en avait parlé, parce que moi puis lui, on aimait beaucoup la pêche. Puis, il m'a parlé de ce camp-là. Puis, j'en ai parlé avec mes parents, puis ils m'ont inscrit. Ils t'ont inscrit? Ah, t'es bon? T'as réussi à les convaincre? Ouais. As-tu eu à travailler un petit peu là, l'hiver passé là, pour gagner ton académie de pêche? Ben, j'ai eu à faire beaucoup d'efforts à l'école. Ah, OK. Il fallait que je passe mes maths, mon français, puis je les ai faites. Ça a bien été. Ouais. Fait que la cerise sur Sunday, on fait l'Académie de pêche. C'est la deuxième semaine de l'Académie. T'es là depuis dimanche. Dis-moi, c'était quoi ton meilleur moment à date? C'était quand j'ai pêché ma carpe de 30 livres. Ah ouais? J'étais là, puis t'as bien fait ça. Tout un combat. Ouais. Pesant, hein, le poisson, quand on l'a dans les bras? Ouais, ça force. Ouais, hein? Dire que les gens disent que c'est une pêche qui est plate, tu sais, c'est long, mais ça a bien été aujourd'hui. Ouais. Puis là, as-tu pogné d'autres poissons depuis ton arrivée ici? Non, ma carpe, c'était mon premier poisson. J'ai rien pêché d'autre à part ça. OK. Puis avec ton père, t'avais capturé quoi comme poisson avant? Ben, avec mon père, j'allais souvent au chalet d'un de mes amis, puis on pêchait souvent la truite arc-en-ciel. Dis-moi, est-ce que tu conseillerais à tes amis qui n'ont jamais connu une académie de pêche comme celle-là de s'inscrire dans le futur? Ben oui, je conseillerais mes amis, mais pas beaucoup de mes amis font de la pêche. Ah, OK. Ouais. Puis toi, dis-moi, est-ce que tu vas revenir pour une deuxième année? Ben ouais. Ouais, hein, t'aimerais ça, hein? Puis d'ici la fin là, de la semaine, là, c'est quoi le poisson que t'aimerais capturer? Ben, juste parce que j'étais un débutant ici, juste au moins un brochet, ça serait intéressant. Tu serais content avec ça? Ouais. Hey, ben, on te remercie beaucoup, Philippe, d'avoir participé au Méga Plein Air Show. Et puis, je te souhaite le plus gros des brochets, puis le plus gros des poissons, tiens. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. C'est une bonne idée, hein? Ouais. Ben merci beaucoup, Philippe. À une prochaine. Ceci complète la chronique en compagnie de notre ami Philippe. Ne quittez pas, parce que là, on va avoir une demoiselle qui, elle, c'est pas sa première académie de pêche. Le Méga Plein Air Show se poursuit dans quelques instants.